Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 septembre 2019, nous souhaitons une bonne fête aux Émilie. Le dicton nous dit à Sainte-Émilie, Luzerne à pleine faucille. Dans les célébrations internationales, c'est The International Talk Like a Pirate Day. En français, journée internationale du parler pirate, fête parodique émergente d'origine américaine où tout le monde est invité à parler comme les pirates du XVIIe siècle. En France, c'est la journée du transport public et à Saint-Christophe et Niévès, c'est la fête nationale. Et dans les événements qui se sont déroulés un 19 septembre 1983, indépendance de Saint-Christophe et Niévès. Petit point géographique, c'est un état situé dans les petites Antilles, dans la région des Caraïbes. Allez, on s'écoute un petit message d'intérêt général. Fluo, c'est quoi? C'est la nouvelle appli pour organiser tous vos déplacements dans le Grand Est. En quelques clics, trouvez des tarifs, horaires et itinéraires en temps réel, combinant tous les modes de déplacement. Train, tram, bus, vélo, covoiturage, autopartage, ainsi que toute l'info sur vos réseaux de transport. Rendez-vous sur www.fluo.eu ou téléchargez l'application. Fluo, l'appli de tous vos itinéraires en région Grand Est. Voilà pour le message d'intérêt général. Et là, on va écouter Lia qui va nous parler du spectacle Son et Lumière organisé par la ferme équestre des Granges de Franou. Sorti comme on aime tant le faire pour vous présenter cette fois-ci un Son et Lumière. Mais tout d'abord, on va accueillir avec nous au téléphone Chloé de l'association Les Granges de Franou. Chloé, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Mais ça va bien, merci. Alors, tu nous parlais il y a quelques temps de la présentation d'un Son et Lumière qui a eu lieu au mois de mai à la ferme de Franou, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Ok, donc suite au succès de ce Son et Lumière, vous réorganisez le 20 et le 21 septembre à nouveau ce spectacle. Oui, exactement, car nous avons eu plusieurs personnes à qui nous avons dû refuser l'entrée en mai pour faute de place dans nos gradins. D'accord. Donc nous voulions le refaire pour que tout le monde puisse profiter de ces spectacles. Oui, mais c'est super ça. Donc ça aura lieu le 20 et le 21 septembre au soir. Alors à quelle heure? Alors c'est le 20 et 21 septembre à partir de 20h30. D'accord. Enfin, les personnes pourront venir dès 20h30 et le spectacle commencera réellement vers 21h30, le temps qu'il fasse nuit, comme ça un son et une lumière. Super. Alors est-ce qu'il faut réserver? Oui, il faut réserver à l'avance. Nous avons d'ailleurs mis en place une billetterie sur internet. D'accord. Sur le site Hello Asso. Il suffit d'aller sur notre site internet www.fermefranou.fr et dans l'onglet spectacle des 20 et 21 septembre, les spectateurs pourront trouver les liens vers le site vers lesquels ils pourront prendre leur billet. Et ben voilà, super. Alors est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce qu'on va pouvoir admirer ce soir-là? Alors, le spectacle que nous proposons s'appelle « Qui suis-je ?» car on suit la vie d'un petit bonhomme qui part à la découverte du monde et qui grandit en faisant face à ses émotions. Chaque émotion va être représentée par un tableau différent qui va mêler à la fois l'équitation et d'autres arts comme de la musique et de la danse. D'accord. Et de ce fait, chaque tableau qui représentera une émotion différente comme l'amour, la peur, l'amitié, la joie, etc., présentera une discipline équestre différente. Donc, par exemple, on aura la voltige, de la poste hongroise, des longues rênes, de la doma vaquera, du dressage, de la liberté, enfin beaucoup de disciplines équestres différentes. D'accord. Voilà, qui pour la plupart nous proposons d'en faire à la ferme équestre des Granges de Franou. C'est pour ça qu'on les a intégrés dans ce spectacle. Et ben, bien sûr, j'imagine qu'il a fallu quand même un certain temps pour mettre tout ça en place. Oui. Les répétitions ont commencé environ 4-5 mois avant les spectacles en eux-mêmes, mais le travail était déjà fait bien en avance, grâce notamment à Émilie Gérardin, qui est monitrice intervenante de notre centre équestre, qui a mis au point ce spectacle, qui s'y est pris une bonne année à l'avance pour réfléchir aux différents tableaux et tout mettre en place. Et en plus, nos nombreux bénévoles nous ont aidés pour tout ce est déguisement, costume et tout ça a demandé beaucoup de boulot, effectivement. Alors, juste pour information, est-ce que tu peux nous dire combien de personnes participent à ce son et lumière et combien de chevaux aussi ? Pour le son et lumière, nous sommes environ une vingtaine de cavaliers et il y a environ une quinzaine de chevaux et poneys de tout âge et toute taille. Super. Alors, combien de temps dure ce spectacle ? Environ une heure. Ok, environ une heure. Ouais. Donc, vous êtes les bienvenus les 20 et 21 septembre à la ferme équestre Les Granges de Franou pour cette nouvelle présentation du son et lumière qui avait déjà eu lieu au mois de mai. Vous pouvez directement réserver sur Allo Asso, sur le site internet de la ferme Franou où il y a un lien pour directement réserver son billet, si j'ai bien tout suivi. C'est ça, okay. Parfaitement. Et ben merci beaucoup Chloé pour cette nouvelle intervention sur nos ondes. On vous embrasse bien fort, toi et toute l'équipe de la ferme équestre. Et on se dit beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci Lia, tout de suite on va marquer notre première pause musicale avec le duo The Retterous Brothers et leur titre Unchained Melody. So slowly, and time can do so much. All you still more. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, wait for me. I'll be coming home. Wait for me. Time. Les Waitrose Brothers, la bande originale du film Ghost, hein, on aurait vu presque Demi Moore, hein, et Patrick Swayze dans la fameuse scène, hein, de la poterie. Allez, il est 8h40, on est toujours dans la matinale. On fait un point sur tous ceux qui sont nés un 19 septembre 1927, naissance de Rosemary Harris, actrice britannique vue dans Othello, mais surtout connue pour son rôle de May Parker, tante May dans Spider-Man 1, 2 et 3. 1933, naissance de David McCallum, acteur britannique vu dans la série des agents très spéciaux dans le rôle d'Ilya Kuryakin, mais surtout connu pour son rôle du docteur de Kim Mallard dans NCIS Enquête Spéciale. 1940, naissance de Bill Medley, chanteur américain du groupe The Waitrose Brothers. 1942, naissance de Freda Payne, chanteuse américaine notamment connue pour le titre Band of Gold, dont on écoute tout de suite un extrait. Voilà pour l'extrait donc de la chanteuse Freda Payne. On continue les anniversaires. 1948, naissance de Jeremy Irons, acteur britannique vu dans Australia dans le rôle d'Edward Pearson. Le mystère Van Bulleu dans le rôle de Klaus Van Bulleu, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur vu dans Monsieur Butterfly, Une journée en enfer, L'homme au masque de fer dans le rôle d'Aramis, Kingdom of Heaven, La Panthère Rose 2, Sublime Créature, Batman versus Superman, l'aube de la justice, ainsi que Justice League dans le rôle d'Alfred Pennyworth, et il est la voix originale du personnage de Scar dans le dessin animé Le Roi Lion. 1951, naissance de Marianne Chazelle, comédienne française qui a fait partie de la troupe du Splendide, vue dans L'aile ou la cuisse, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, Le coup de Sirocco, Les bronzés font du ski et Les bronzés 3 amis pour la vie dans le rôle de Gigi, Viens chez moi, j'habite chez une copine, Les babacools, Le Père Noël est une ordure dans le rôle de Josette, Les Visiteurs 1 et 2 dans le rôle de Ginette la clocharde, Au secours j'ai 30 ans, La fille du puisatier, Marius et un peu plus tard Fanny dans le rôle d'Honorine, Les Visiteurs la Révolution dans le rôle de Prune, Ma famille t'adore déjà, réalisatrice d'Au secours j'ai 30 ans, vue à la télévision dans L'Emmerdeuse, Bienvenue aux Edelweiss ainsi que Panique aux Edelweiss et Les Edelweiss dans le rôle de Françoise, vue dans Le Mystère du Lac et Le Tueur du Lac dans le rôle de Marianne Stoker, ou encore dans Quand je serai grande, je te tuerai. Sacrée filmographie. 1955, naissance de Rex Smith, acteur américain, vu dans la série Tonnerre mécanique dans le rôle de Jesse Mack, ainsi que dans Jag, Alerte à Malibu, et le téléfilm Le procès de l'incroyable Hulk, où il a incarné Matt Murdock, alias Daredevil. 1959, naissance de Thierry Marx, cuisinier français, sa cuisine s'inspire de la gastronomie moléculaire. 1963, naissance d'Alessandra Martinez, actrice et danseuse franco-italienne, qu'on a découvert principalement en tant que jurée lors des deux premières saisons de l'émission Danse avec les stars. On a pu la voir également dans plusieurs films de Claude Lelouch, hein, dans Tout ça pour ça, Les Misérables ou encore Homme-femme, mode d'emploi. 1965, naissance de Sabine Paturel, chanteuse française. C'est également l'année de naissance d'Alexandra Van Der Noot, actrice belge, vue dans Prêt-à-porter, Jaguar, Le dîner de con, Le placard, la série Highlander, la saga de l'été Tramontagne dans le rôle d'Angel Estrella, la saga Le Bleu de l'Océan dans le rôle de Mathilde Mallet, vu également dans Camping Paradis, Section de Recherche, Joséphine Ange Gardien, Profilage ou encore Une famille formidable. 1970, naissance de Sonny Anderson, ancien footballeur brésilien ayant fait carrière entre 1987 et 2006 en jouant à Vasco de Gama, à Guarani, à Servette, à Marseille, à Monaco, à Barcelone, à Lyon, au Villarreal, à Al Rayyan SC et à Al Gharafa SC. 1970, 71, naissance de Sana Latam, actrice américaine vue dans Blade, le mariage de l'année ainsi que le mariage de l'année 10 ans après dans le rôle de Robin Stewart, Out of Time, Alien vs Predator, Contagion, Insaisissable 2 ou encore la série télé The Affair dans le rôle de Janelle Wilson. 1972, naissance d'Ulrich Ramé, ancien footballeur français ayant fait carrière de 1992 à 2013 en jouant à Angers, Bordeaux et au club de Sedan-Ardennes. 1974, naissance de Jimmy Fallon Jr., humoriste, acteur, producteur, animateur télé américain, présentateur de l'émission culte hein, The Tonight Show starring Jimmy Fallon, vu au cinéma dans Jurassic World, à la télévision dans Saturday Night Live ou encore Gossip Girl, et il est la voix de, du prince Betamèche dans la trilogie Arthur et les Minimoys. C'est également l'année de naissance de Victoria Silvstedt, mannequin, actrice, présentatrice télé suédoise, vue dans Nos Chers Voisins, L'Arnaqueur, et elle a co-présenté avec Christophe de Chavannes hein, La Roue de la Fortune. 1977, naissance de Ryan Duzik, musicien américain, membre du groupe Maroon 5 entre 1994 et 2008. 1979, naissance de Noémie Lenoir, mannequin, actrice française, vue dans Astérix Obélix, Mission Cléopâtre dans le rôle de Kimiokis, Gomez et Tavares, ainsi que Gomez versus Tavares dans le rôle de Gina, La Doublure, Rush Hour 3, Alad 2, sortie l'année dernière, et à noter qu'elle avait participé à la saison 4 de Danse avec les Stars. 1980, naissance de Dimitri Yachvili, ancien joueur de rugby français, ayant fait carrière de 1998 à 2014 en jouant à Brive, à Paris UC, à Gloucester ou encore à Biarritz. 1984, naissance de Kevin Zegers, acteur américain, vu dans Air Bud 1, 2 et 3 dans le rôle de Josh Fram, à la télévision dans Smallville et Gossip Girl dans le rôle de Damien Dalgarde. 1987, naissance de Danielle Panabaker, actrice américaine, vue au cinéma dans Vendredi 13, à la télévision dans Grey's Anatomy, Bones, et on la connaît surtout pour son rôle de Kathleen Snow, alias Killer Frost, dans la série Flash, ainsi que dans Arrow, Legend of Tomorrow ou encore Supergirl. Et on termine en 1989 avec la naissance de Chloé Morteau qui fut Miss France 2009. Allez, tout de suite, nouvelle pause musicale avec Sabine Paturel et Les Bêtises. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les cravenas. Ah. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. J'ai tout démonté tes tableaux. J'ai tout découpé tes rideaux. Tout déchiré tes belles photos que tu cachais dans ton bureau. Fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. J'ai tout démonté le bahut. J'ai tout bien étalé la glu. Comme t'étais toujours pas revenu, j'ai tout haché menu menu. J'ai tout brûlé le beau tapis. J'ai tout scié les pieds du lit. Tout décousu tes beaux habits et mis le feu à la penderie. Fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand poubelle. Et voilà, c'était les bêtises de Sabine Paturel sur le 107FM. Il est 8h50, tout juste passé de quelques secondes, on fait un point météo. La météo. Bon bah je me répète, hein, depuis plusieurs jours, mais ça fait plaisir, on va encore passer la journée sous le soleil. Alors des températures fraîches, hein, ce matin on va pas se mentir, entre 6 et 8 degrés. Cet après-midi ce sera plutôt agréable, hein, entre 17 et 19 degrés. Pour vendredi et samedi, de belles journées ensoleillées avec pour vendredi matin des températures comprises entre 4 et 5 degrés. Oui, vous m'avez bien entendu. Et pour vendredi après-midi ce sera entre 19 et 21 degrés. Pour samedi, entre 7 et 8 degrés le matin et entre 24 et 26 degrés. Prévu pour samedi après-midi. Allez, tout de suite, on file faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Allez, on commence avec le volley et les championnats d'Europe et 5 victoires en 5 matchs pour l'équipe de France qui a battu l'Italie 3-7-1 hier soir. La France affrontera en 8e de finale la Finlande. Un mot de football maintenant avec la Ligue des Champions et belle entrée en matière pour le club français de Paris Saint-Germain qui s'est imposé 3-0 hier soir face au Real Madrid. L'Olympiakos et Tottenham ont fait match nul 2-2, tout comme l'Atlético Madrid et la Juventus de Turin. Ce soir, c'est l'Europa League. Rennes reçoit le Celtic et Saint-Etienne se déplace à la Gantoise. Et à noter qu'hier, on a appris que la Ligue de football professionnel a décidé de mettre fin à la Coupe de la Ligue à partir de la saison prochaine. Et on termine avec du tennis à Metz. Ohang s'est incliné face à son compatriote Barère en 3-7, 3-6, 7-6 et 6-2. Benoît Paire s'est qualifié en 3-7 face à son compatriote Richard Gasquet, 3-6-6, 3-6-4. Gilles Simon s'est qualifié en 2-7 face à Copil, 6-3, 6-4. Et enfin, Hugo Humbert s'est incliné en 3-7 face à Madden, 6-4, 6-7, 6-4. Aujourd'hui, un duel franco-français entre Pierre Gerber et Joe Wilfried Tsonga. Gilles Simon lui affrontera Bédéné. Et Lucas Pouille se reposait à Sonego et à Saint-Pétersbourg. Il n'y a plus de Français après l'élimination hier d'Adrian Manarino qui s'est incliné en 2-7 face à Gerasimov, 6-3, 6-1. Voilà pour l'actu sportive. Va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec le groupe Maroon 5 et l'un de leurs premiers tubes, This Love. Voilà, Maroon 5 avec le titre This Love sur RGM, un peu plus de 8h56, et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel, hein, c'est Magazine Santé cette semaine. 13h30, la rediffusion de la chronique de Michel, intitulée Être ou ne pas être chômeur. 14h, Clip Clap, on tourne avec Tanguy. À 18h30, ce sera Regard d'ailleurs. 20h, Memento Mori. 23h, Rock à la Casbah. Et nous, on se retrouve bien demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.